En France, il existe une limite à l'utilisation du sperme d'un même donneur. Mais aux États-Unis, il n'y a aucune limite à cela. Et en septembre dernier, un autre cas médiatisé, on a parlé ici, avait lancé un débat sur cette absence de limite. Cynthia Daly avait entrepris des recherches pour voir si son fils, conçu grâce à un don de sperme, avait des frères et des sœurs. Elle a découvert qu'il en avait donc 150, des exemples qui commencent à inquiéter le monde médical, notamment à cause des risques d'inceste accidentel. C'est bien sûr, hein? Parce que s'il y a 150 frères et sœurs, ça se peut que dans un bar, tu couches avec ton frère, ta sœur. Ça fait pas des enfants très forts et puis c'est pas très bon pour la génétique. Et puis c'est, en tout cas, hein? Faites-vous votre idée. On va aller ici, voir le meilleur. Comme hier, c'était l'Halloween. On va aller voir le meilleur déguisement de l'Halloween. Eh bien, justement, hier soir, nombreux étaient ceux qui ont fêté l'Halloween et en arborant, bien sûr, leur plus beau déguisement. Mais alors que vous êtes à une soirée d'horreur et que vous asseyez sur une chaise rouge de style baroque, tout à coup, celle-ci se met à bouger. C'est exactement ce qui risque de vous arriver si vous croisez un homme vêtu de ce déguisement qui est très, très réussi. Donc, sur la vidéo que vous pourrez aller voir dans quelques instants sur la page Facebook du Zidcon, on peut voir une femme normalement assise sur ce qui ressemble à être une chaise à peu près normale. Et tout à coup, elle prend peur. C'est qu'à ce moment, on s'aperçoit que la chaise n'est nul autre qu'un homme. Et les pieds étant ses jambes et les accoudoirs ses bras, le reste du corps, lui, reste caché sous le coussin et le dossier. Un déguisement qui pourrait faire partie du top 20, donc, concocté par la rédaction. Moi, je vous dis qu'il est beaucoup mieux que le top d'hier, en tout cas. Hein, le top 20 des trucs les plus épeurantes. C'est beaucoup mieux que les petits trucs cheap d'hier. Et hier, j'ai été justement me promener un peu dehors et je vous parle de ça. Hein, ça va être très, très court. Et puis, j'ai trouvé que ça avait beaucoup changé comparé à quand j'étais jeune. Maintenant, on voit plus de parents, je pense, que d'enfants. Souvent, il y a des 3, 4, 5 parents avec 2 ou 3 petits-enfants. Et puis, on tient beaucoup par la main. Et puis, je me croyais vraiment dans un centre d'achat durant la dernière semaine de décembre, juste avant Noël. En tout cas, c'était assez ordinaire, mais bon, c'était quand même un bon moment, une bonne marche pour aller prendre l'air et voir des petits monstres déguisés. Il y a toujours quelques-uns qui nous surprennent et qui sont assez cool. Mais la plupart, c'est assez décevant, je trouve, l'Halloween. Ce qui est rendu l'Halloween aujourd'hui, on dirait que c'est les parents qui sont obligés de motiver les enfants pour aller passer l'Halloween. Même que j'ai vu des enfants qui voulaient aller passer l'Halloween sans déguisement. Ben là, ça me tente pas de me déguiser, c'est pas grave. Et non, ils n'ont pas compris tout à fait la fête de l'Halloween. En tout cas. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Oui, je savais que t'aimerais ça, c'est pour ça que je t'en ai fait jouer. Ouais. Je suis fin, hein? Mais oui. Tu me le dis jamais. Jamais que je suis fin. Je ne dis plus jamais de compliments. Donc, c'est un fait? C'est fatiguant, les filles. C'est un fait. Plus jamais de fesses, ça fait comme super longtemps qu'on n'a pas parlé de fesses. On fait des fesses. On discute plus de fesses. Hey, est-ce que tu nous parles des fesses d'Halloween? Oui. Oui. Formidable. Ouais. Allez, allez, mon petit vampire. Je commence. Merci, mon petit vélo au vent. Donc, à la place de faire du trick or treating, tu connais trick or treat aux États-Unis? C'est trick or treat, c'est quoi? C'est truc aux trouilles, je sais pas quoi. Des bonbons ou des blagues. C'est quoi? Les Écossais. Scotland, ouais. C'est les Écossais, l'Écosse, c'est ça? Bien ça? Ouais. Eux, ils font du guising. Donc, ils se déguisent et ils doivent performer soit une chanson, une blague ou un talent, montrer leur talent. Un peu comme dans America's Got Talent. Là. Ils n'ont pas le choix pour avoir des bonbons. Tu te fais buzzer par Pierce Morgan ou Howie Mandel. Bien placé pour juger le monde avec la tête de chaude de même. Non, c'est pas vrai. Génial. Mais, c'est une blague. Prends pas ça de même, Howie. Howie, je t'aime, Howie. Ouais. Si tu veux serrer la main, il faut qu'il donne un coup de coude. Il y a des phobies de germes, c'est ça. Donc, c'est les Écossais. Voilà. Ensuite, les bonbons d'Halloween, en moyenne, on vend pour 2 milliards de dollars de bonbons seulement aux États-Unis par année. 2 milliards de dollars de bonbons par année. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Les barres de chocolat

On a une campagne de la sensibilisation contre l'anorexie. Celle-là aussi frappe beaucoup. On voit une jeune femme qui ressemble vraiment de dos à un squelette. Et elle se regarde dans le miroir. Elle se voit bien parfaite, elle-même un peu ronde. Moi, je trouve pas que la fille est ronde, là, mais on dirait que c'est un peu ce qu'on veut nous montrer. Elle se voit beaucoup plus grosse qu'elle l'est réellement. C'est une image qui frappe beaucoup. Une campagne de sensibilisation à la famine au Niger. C'est un jeune garçon complètement squelettique, mais au lieu d'être un noir, comme on voit souvent dans les photos qui nous vient d'Éthiopie ou d'Afrique, peu importe où, cette fois-ci, c'est un petit Français, genre, qui semble très, très maigre dans un parc. Et puis, c'est atroce, ça fait peur. Ça frappe, en tout cas. On a aussi la campagne de prévention contre le tabac. Donc, fumer, c'est être l'esclave du tabac. Celle-là, je la trouve très, très bonne, la photo. On voit une jeune fille qui est dans une posture un peu suggestive. Elle est devant un homme, un peu comme si elle était agenouillée, en train de lui faire une fellation. Mais on voit seulement la cigarette et on voit la main de l'homme assez vieux qui porte la main sur la tête de la jeune fille. Et puis c'est ça, le slogan est écrit « Fumer, c'est être esclave du tabac ». Ça frappe. Par contre, en tout cas, moi, je trouve pas que la fellation fait mal et fait peur, mais bon. On a la campagne de sensibilisation au massacre des phoques. Hey, celle-là est un peu exagérée. On voit un gros morse ou un gros phoque adulte avec un bâton dans la gueule et puis qui fracasse finalement le crâne d'un bébé, un peu comme on fait avec les Blanchons. Mais c'est un peu déplacer le contexte. On voit que l'image est française beaucoup ici, là. On sait un peu qu'est-ce que ça donne. On a la campagne de sensibilisation à la violence domestique. On voit un bébé, finalement, qui est victime de violence, qui a été battu. Et puis, qui est un peu défait comme si on aurait cassé, finalement, un vase là, pour mettre des fleurs, comme s'il était en terre cuite ou en porcelaine. On voit qu'il y a des membres cassés. L'image frappe et parle d'elle-même. Je vous invite à aller voir ça. On a une campagne de prévention contre le tabac. Celle-là aussi, au début, j'étais là, qu'est-ce qu'elle a, l'image? Eh bien, c'est une jeune fille, peut-être de 6-7 ans, qui est assise dans son divan avec sa poupée. Elle est en train de jouer, un peu désabusée. Et de l'autre main, on voit son bras, qui est un bras de femme adulte avec une cigarette. Ça aussi, l'image parle d'elle-même, c'est assez bien. Ici, quand la violence s'invite dans la publicité, je la comprends pas vraiment, cette pub-là. Je peux vous indiquer c'est quoi? C'est une femme, un genre de mannequin. Elle est entourée de bébés. Je sais pas qu'est-ce qu'on veut nous montrer là, dans cette publicité-là. Pardonnez mon ignorance. On y va. Avec une campagne aussi de prévention contre le sida. Celle-là est magnifique et elle parle vraiment. Celle-là est facile à comprendre. On voit une jeune femme assise sur un canapé qui semble prendre bien son plaisir par rapport à un cunnilingus. Mais un cunnilingus qui est offert par une araignée. Donc, on comprend un peu qu'il faut se protéger. On peut attraper des choses qui sont pas nécessairement toujours saines ou toujours propres. Et non, là, de dire que les araignées ne sont pas propres, loin de là, mais ça peut être on peut s'imaginer quelque chose qui est pas la même chose qui arrive, finalement. Hein? On comprend. Cette fois-ci, une campagne de sensibilisation contre la prostitution. Une dame est comme enfermée sous vide. Tu sais, un paquet de viande hachée là, en petit foam, en petit styrofoam, en styromousse. La dame est comme couchée nue dans un plateau de styromousse et elle est recouverte d'un sarang. Ça parle assez bien, ça aussi. Disons, l'image frappe. On a de la visite qui arrive. Salut, Charles-André Lambert. Salut. En tout cas, moi, si vous voulez me payer pour coucher avec moi, me prendre votre argent. C'est pas de la prostitution, ça. C'est juste du sexe. C'est juste du sexe, mais tant en vedette de l'argent. non, blague à part, c'est une bonne campagne. La pub est frappe. J'ai vu un peu les images là, dont tu parles. D'ailleurs, celle avec l'araignée là, par rapport au sida est assez frappante, merci. Oui, c'est une très, très belle image. Mais c'est une bonne campagne. Puis ce que j'aime de ça aussi, c'est que, d'après moi, ça va toucher le monde, ça va marcher. Ils n'en ont pas trop mis, puis je veux dire, ça a de l'impact quand même. Et puis, c'est pas, il n'y a rien, là, la fille n'est pas à poil, elle a l'air de prendre son pied, en tout cas. Oui, oui, exact. Mais ça reste décent, là, comme tu dis. On va aller avec cette autre publicité. Cette fois-ci, c'est une prévention contre la drogue. Et c'est une vieille dame, je vous dirais, d'au moins 80 ans, qui s'injecte finalement comme un junkie. Oui, elle se fait un garrot et se pique finalement dans le bras. Ça parle. On a ici, ça doit être la PETA. Oui, une campagne de sensibilisation au massacre des animaux dans le but d'en faire des fourrures, comme si c'était bien grave. Eh bien, cette fille est avec une belle jeune femme, une mannequin, habillée, bien sûr, de fourrure. Et dans ses mains, elle a les mains toutes sanguignolantes et un couteau qui est tout à fait aussi sanguignolant, mais qui, ça, moi, ne me touche pas du tout, personnellement. Moi non plus. C'est comme tantôt la campagne. Il y avait une campagne contre le massacre des Blanchons, là. OK, oui. Les phoques, là. Oui, ben eh bien, la campagne était un peu exagérée. Tu avais un gros morse ou un gros phoque avec une batte dans la bouche qui est en train de fracasser le crâne d'un bébé. Un bébé humain, là. C'est con. C'est complètement con. Comme si on pouvait comparer un Blanchon avec un enfant humain. Ah non, c'est vraiment con. Puis en plus, là, depuis justement que Brigitte Bardot, elle a capoté là-dessus, là, puis tout, bon, naturellement, il y a du monde qui ont réagi. Moi, j'ai le goût d'aller tuer des Blanchons. Ça l'a stoppé un peu, tu sais, ça l'a du moins freiné, cette chasse-là. Mais là, oui, parce qu'on avait de la difficulté à le vendre. Oui, mais là, on se retrouve avec une surpopulation de Blanchons. Pour vrai, là. Puis là et qui vide les stocks de poissons. J'ai vu un reportage là-dessus, là, genre à Dain Couverte, une émission là, scientifique à la TV. Là. Mais non, blague à part, on se retrouve avec une surpopulation de Blanchons, puis là, ça porte un problème par rapport aux autres espèces. C'est ça, au stock de poissons, entre autres. Au stock de poissons, entre autres. Parce que les phoques se nourrissent que de poissons. Parce qu'il y avait une espèce d'équilibre, et puis là, on a comme favoriser une espèce en arrêtant de chasser principalement elle, mais on a continué là, les autres formes de chasse, naturellement. Puis là, ça crée une espèce de déséquilibre. Tant qu'à chasser, je chasse égal. maintenant, si une photo de la campagne de sensibilisation encore contre la prostitution, celle-là est très, très bien. On voit une jambe assez sexy qui est entourée d'un... Tu sais, une jambe de fille jolie, là, entourée d'un bas filet, mais le bas filet se retrouve à être une clôture frost avec des barbelés en haut. Quand même assez bien aussi comme photo. Oui, oui, oui. Parle moins un peu que celle dans le petit truc de styromousse pour moi. Oui, tout à fait. Campagne de sensibilisation à la mortalité infantile. Oh! OK, cette fois-ci, on voit des bébés comme... tu sais, quand on est... on vient d'accoucher à l'hôpital, là, ils sont dans le petit bac en plastique transparent. Ouais. Là. Ben là, il y en a quelques-uns qui se retrouvent. C'est comme si on voyait la salle de haut. Et puis, il y a quelques-uns que c'est des petits cercueils, finalement. Oh. Mais je trouve pas que ça frappe autant. Là, l'image est moins, moins puissante, je trouve. C'est assez sad, hein? C'est triste, tristounet. Une campagne, cette fois-ci, de publicité contre pour la sécurité routière. Eh bien, vous avez juste oublié un clientin. Il est juste un peu mort. OK, on voit finalement un scooter qui s'est fait rentrer dedans. Puis là, il est écrit « Vous avez juste oublié un clignotant. Il est juste un peu mort. » ça frappe. Ça, c'est assez bien quand même comme publicité. Cette fois-ci, celle-là frappe beaucoup même. C'est une campagne de sensibilisation contre la pédophilie. On voit une jeune fille d'à peu près 7 ans, OK, mais qui a un corps là, de pin-up, là, de tu sais, ils ont mis, par informatique, un corps vraiment sexy avec la craque de boule puis le gros kit, là. Aïe, aïe, hein? Oui, ça frappe. Gameplay est écrit « If you see a child... » as anything more it's wrong. Exactement, c'est ce qui est écrit. Donc, si tu vois un enfant, c'est peut-être, c'est peut-être ton problème. Là. Ouais, tout à fait. Tu sais, c'est parce que, en tout cas... Ça fesse, là. Ça fesse, oui, exactement. Campagne de sensibilisation à la violence faite aux femmes. Cette fois-ci, eh bien, c'est un crochet d'abattoir. Tu sais, comme on va accrocher une moitié de bœuf ou une moitié de porc, là. Ouais. Ben, avec... une jupe et genre un top de fille. OK. Tu sais, le morceau de viande accroché, eh bien, un top et une mini-jupe. C'est quand même une idée assez frappante. Oui, encore. Ça frappe assez, ça. Et la dernière, eh bien, campagne de sensibilisation encore au massacre des animaux, que je trouve encore ridicule cette fois-ci. On a une petite fille d'environ 4-5 ans maximum, déguisée en tigre dans une forêt. Et puis, il y a un homme qui vise comme dessus avec son gun. Ouais. Moi, je trouve que ça n'a pas rapport, mais bon. En tout cas, les photos, c'est vrai je vous dis... Le braconnage de tigre, là, c'est quand même... C'est grave, c'est là. C'est grave, mais c'est pas tuer un humain, dramatique, là. Justement, tu sais, imaginez, l'autre fois, là, pas plus tard qu'hier, mon bon ami me racontait là, qu'il était au port, puis il était dans son truck, puis il mangeait son lunch, là, puis...

Je suis un addict à la musique, mais je ne m'abreuve pas aux sources toxiques. Tu vois, je suis d'accord avec lui jusqu'à temps qu'il mentionne Vincent Vallière. Ouais, moi aussi. Moi aussi, Vincent Vallière. Vincent Vallière, c'est comme, je sais pas, tu peux comme difficilement le détester, je trouve. C'est ça, je trouve aussi. Mais bon, je suis d'accord avec l'ensemble de ses propos, notre Sébastien Dulé, notre héros. Il y a son opinion, c'est correct. Non, c'est très, très bien dit. Vraiment, hein? L'analogie avec la drogue est super bonne. C'était Sébastien Dulé avec Va voir ailleurs, j'y suis. Il sera de retour mardi dans deux semaines à 8h30 pour une autre de ses chroniques. Semi-hebdomadaire, ce qu'on dit bimensuel. C'est n'importe quoi ces mots-là, pareil. Vous pouvez évidemment le lire dans le journal Zone Campus aussi aux deux semaines. Mettons aux deux semaines, ça se dit bien. Par quinzaine. T'sais. Par quinzaine? Une fois aux quinzaines. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On va s'en choisir une comme ça. Tiens, on va aller voir cette maison qui a explosé. Une maison qui explose et qui dévoile 150 000 euros dans ses décombres. Hier, j'avais lu le titre, mais on n'en avait pas parlé. OK. Donc, les pompiers ont fait une étrange découverte dans les décombres d'une maison qui venait d'exploser à Fontaine, dans l'agglomération de Grenoble. Des billets de banque de 10, 20 et 50 euros pour un montant total d'environ 150 000 euros se trouvaient dans les gravats. Selon le journal Le Progrès, les propriétaires des lieux, âgés de 49 ans, habitaient seuls et souffraient de maladie d'Alzheimer. Elle n'a pas survécu... Ah, c'est une dame. Elle n'a pas survécu à cette explosion de gaz qui a détruit entièrement sa maison. Vendredi 28 octobre, cet accident a également eu des répercussions aux alentours en endommageant les toits, en brisant les vitres de plusieurs maisons et immeubles. 5 personnes ont été évacuées dans les habitations voisines, mais aucune d'entre elles n'avait été gravement blessée. La cause de cet accident serait, selon les enquêteurs et les secouristes, un robinet de gaz laissé ouvert par inadvertance. La dame était Alzheimer. Ça peut arriver, là. Selon TF1, eh bien, 2 personnes ont été surprises en train de ramasser les billets dans les débris de la demeure et interpellées le 28 octobre dernier. Elles ont ensuite été relâchées par les policiers. Depuis, la somme a été placée en lieu sûr par les forces de l'ordre en attendant de savoir à qui elle revient. Si les secouristes n'avaient pas entrepris autant de recherches pour retrouver la vieille dame écrasée sous les décombres, ils n'auraient sûrement jamais mis la main sur les billets. Le magot. Sur le magot. Mais là, c'est normal avec l'âge d'avoir des gaz un peu, là. Blague à part, c'est fort triste, puis ça nous démontre juste à quel point les gens qui sont atteints de cette maladie-là, de l'Alzheimer, ont besoin de support, puis qu'on a besoin d'investir dans les recherches mais aussi. Mais tu l'as dit, c'est très triste, cette maladie qui est dégénérative et qui peut nous arriver à n'importe qui, à nous. Oui, c'est... Et qui nous avertit pas d'arriver. Oui, et... T'aurais dû me le dire, je me serais penché à ta place pour annoncer ça. Mon entorse lombaire. Aïe, fait plus ça des mouvements de même, elle va durer 8 ans ton entorse. Non, mais pour vrai, là, la prochaine fois là, que t'as quelque chose à aller chercher, là, tu me le dis. Ouais, là, au lieu de te pencher. Check entre mes jambes, là, j'ai de quoi de dur. Là. Maudit vieux cochon, c'est pas ma tasse de thé, puis tu le sais. Arrête-moi ça. Ben, ramasse, va en dessous de la table, ramasse ça, là. Non, c'est pas un crayon. Hope your dick's bigger than that, man. La mode vintage, donc, qui s'attaque à Batman, Terminator et autres petits personnages de notre ménagerie enfantine. Oui. Oui, il y a des magnifiques travaux graphiques. Donc, on doit ce fantastique travail graphique à l'illustrateur Tom Wallen. Et je vais mettre le lien est déjà sur la page Facebook du Netcon, mais les photos en tant que telles ne sont pas là. Donc, Tom Wallen, qui officie d'ordinaire sous le pseudonyme Strong Stuff, fan de culture populaire, de manga et de jeux vidéo, cet artiste s'est amusé à décliner ici tous les héros, ben pas tous, mais beaucoup de héros préférés dans ses illustrations originales et atypiques, qui ressemblent, moi je te dirais, mettons si je veux décrire, un peu les pubs qui étaient par la promotion par les nazis. Oui, les nazis faisaient un genre d'affichage là, militaire, là, mais qui était vraiment beau. Toujours des couleurs jaune, ocre, orange, avec toujours en background, mettons, des avions qui volent ou des trucs du genre. Des trucs trois couleurs, là, avec des... Oui, je viens d'avoir un de ces spasmes, mon gars, là, de le dos, là. Oh. Ça avait pas de sens. C'est même pas drôle. À travers, donc, ce magnifique travail vectoriel, il a fait ça en vectoriel, donc sûrement avec Illustrator. Tom Wallen rend ainsi hommage à sa façon ou à des univers aussi divers que celui de Star Wars, Walt Disney, Batman, Bob l'éponge ou encore Terminator. Avec un réel talent de dessinateur, l'artiste imagine ainsi une superbe série de posters qui va certainement plaire aux férus d'illustrations graphiques pleines de fantaisie. Moi, je vous invite à découvrir ce talent donc sur la page Facebook du Dîner de Con. Le lien y est là. Mais là, je vais en mettre un autre juste pour vous. Donc, un lien vis-à-vis plus les photos. L'autre, c'était le lien plus vers l'article. Vous allez voir... Ça vaut la peine, c'est très très joli. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. Voici la chronique, c'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables dans l'assemblage requis, bien évidemment. On parlait tantôt du McCoat. Ouais. McCoat levé chez McDonald's. Toi, tu te rappelles pas d'avoir vu ça de ta vie? Non, vraiment pas. Mais pourtant, j'ai fait mes recherches et au Québec, c'était de retour au mois de juin dernier. Donc, ça revient une fois de temps en temps, je crois une fois par année. C'est bon, ça? Ben, c'est un genre, hein, c'est un genre. Mais t'aimes ça? J'haïs pas ça. Hein, non, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel, t'sais. Ça goûte un petit peu comme les sous-marins indépendants, tu sais, avec côte levée dedans. Là. Comme une sauce très sucrée. Ok. Ouais. Ce genre de choses. Mais donc, j'ai des faits à vous enseigner par rapport à ce célèbre McRib en anglais, McCoat en français, parce qu'il est de retour aux États-Unis en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai ces faits-là. Commençons avec le fait que le McRib, le McCoat, c'est plus que seulement du genre de semi-genre de porc avec des oignons et des cornichons, mais en plus, il y a 70 différents ingrédients. Il y a entre autres des parties de cochon comme les tripes, des parties de son cœur et de son estomac. On ajoute plein de produits comme de l'azo, dicarbonamide, sulfate d'ammonium, etc., etc. Ça va bon, hein? Numéro 2, le seul ingrédient que ça ne contient pas, on dirait, c'est la viande de kangourou, parce qu'il y avait une légende urbaine dans le temps qui disait que la viande était bizarre parce que c'était pas de la viande de porc, mais de la viande de kangourou. Mais ouais, ce qui est complètement fou. Cette année, c'est le 30e anniversaire du McCoat. Ça a commencé sur le menu de McDonald's en 1891. Ça a plus de sens. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est évidemment aux États-Unis, pas au Canada. J'imagine, je sais pas. Ouais, ça... Le sandwich est inspiré par une petite visite à Charleston, en Caroline du Sud. C'était un chef exécutif chez McDonald's qui décide des choses qui se présentent dans le menu. C'est René Arend, à ce moment-là. Donc, il visitait la ville et qui a essayé plusieurs sandwichs au porc. Et puis, il croyait que la combinaison de saveurs fonctionnerait bien chez McDonald's. On peut remercier les fermiers de poulet pour l'invention du McCoat. En fin de compte, c'est que les McCroquettes qui ont commencé en 1979, ça fait pas si longtemps que ça que les McCroquettes. Mais quand même, 79. Quand même, mais bon. Je t'ai pas nul. Non, mais moi non plus. C'était tellement populaire, les McCroquettes, à ce moment-là, que McDonald's n'était pas capable de tenir le rythme. Donc, comme le chef a dit à Maxime, le magazine, il n'y avait pas assez de poulet pour faire les McCroquettes. Donc, on devait trouver quelque chose d'autre à donner à nos franchises pour avoir du succès. Donc, le McCoat est arrivé à cause d'un manque de poulet. On peut remercier aussi les pierres à feu pour leur retour au McCoat, parce que la première fois que c'est arrivé, les ventes étaient médiocres, très très mauvaises. Donc le McCoat a été retiré du menu national en 1985. Quand les pierres à feu, le film, sont arrivés en cinéma en 1994, McDonald's a capitalisé sur la ressemblance entre la côte levée et l'affaire qu'on voit sur la Flint Mobile dans les pierres à feu. Tu sais, il y a tout le temps une affaire de côte levée sur le côté de leur voiture dans le dessin animé. Ouais. Tu sais que ça fait tomber la voiture, etc. Donc, ils trouvaient qu'il y avait une ressemblance entre ça et la côte levée dans leur McRib. Donc, ils ont ramené ça comme promotion avec le film. Et il y avait même Rosie O'Donnell qui jouait Betty. Comment elle s'appelle en français? Bertha. C'était elle qui jouait Bertha dans le film, tu te rappelles? Rosie O'Donnell. Bon. Elle était dans les publicités. Vous pouvez même la voir sur Assemblage. Oui. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait avant? Elle animait... un talk show. Ouais, un talk show. C'est ça, un talk show genre pour la famille, plus enfantin. Là, elle était revenue à la télé il y a quelques années avec The View, c'est le talk show comme La Fosse au Lion. Mais okay. Ça a duré juste une saison. Là, après ça, elle faisait plein d'affaires, genre un blog vidéo, etc. Là, elle va être de retour sur la chaîne de Oprah Winfrey. Là, oh. Avec un nouveau talk show quotidien qui commence cet automne, si c'est pas déjà fait. Oh non, mais je trouve que les deux, ça ressemble un peu. Avec Oprah. Ouais. Oui, c'est vrai. Tout à fait. En termes de forme. Non, mais je sais pas, à la limite de charisme, je pourrais dire. Ah d'accord, des personnalités que pas mal tout le monde aime. Ouais. Quand même. Pourquoi est-ce que c'est là, on est toujours au sujet de la McCoat levée là, chez McDonald's, pour ceux qui suivent pas à la maison. Là. Donc, pourquoi est-ce que c'est en forme de côte levée alors que c'est pas vraiment fait à partir de côte et qu'il n'y a pas d'os du tout là-dedans? Le McRib est justement célèbre parce qu'il ne contient pas d'os ou même de viande, sûrement. En tout cas, bref. Donc, pourquoi est-ce que ça ressemble à ça? Parce qu'ils ont dit, ben, on aurait pu la faire ronde. Ça aurait été plus facile, mais je voulais que ça ait l'air d'une côte levée. Donc, ils l'ont mis en forme de côte levée. C'est juste ça. Présentement, il y a un concours chez McDonald's qui s'appelle Quest for the Golden Rib, McRib aux États-Unis. Donc, on ne sait pas encore ce que ça veut dire, mais ils disent qu'il y a des Golden McRibs cachés dans presque tous les McDonald's du pays. Donc, si vous êtes un vrai fan de McCoat, vous allez pouvoir trouver une McCoat dorée dans votre cabaret. Peut-être que c'est genre pas mangeable, mais c'est fait en or. Puis peut-être que là, si tu as ça, tu gagnes quelque chose. Il n'y a personne qui sait parce qu'il n'y a personne qui a encore gagné ce concours-là. Mm. On verra. Ou ça, c'est une vraie côte levée. Ah ben, quand même, ce serait pas pire idée, ça. J'aime ça. Il y a une fausse pétition pour sauver le McCoat qui a été mise sur le site web de McDonald's en 2005. En fait, elle est là depuis 2005, donc encore aujourd'hui, c'est là. Présentée ou commanditée par la Boneless Pig Farmers Association of America, l'association des fermiers de cochons sans os de l'Amérique. C'est une fausse pétition, là, tu comprends ça. C'est McDonald's qui rit eux-mêmes de leur propre produit qui est fait à partir de pas du tout ce qui est supposé être, tu sais. Et le processus pour faire un McCoat, ça prend environ 45 minutes. La viande de porc, comme on disait tantôt, les bouts de cœur et d'estomac, etc., etc., sont des faites en genre de purée. C'est assaisonné. On met ça en forme qui ressemble à une côte. Et puis ça, c'est le directeur du supply chain de McDonald's qui dit ça. Ensuite, ils congèlent ça. Ils font du flash freezing. C'est comme un genre de gelage rapide. Là, clac. Et ça prend en tout environ 45 minutes à faire. Ah. C'est quand même pas pire. Savais-tu que là, on finit la chronique McCoat ici, puis on embarque sur un autre sujet. Will Smith a dit non au rôle de Neo dans La Matrice. Oh, ouais. Neo, ouais. À la place, il a décidé d'être la vedette de Wild Wild West. Oh. Tu sais, le film de western science-fiction. Moi, ben, je l'ai pas vu, mais ça n'a pas de nom. Pas grand monde l'a vu, je pense. Ouais, non, c'est ça. C'est à peu près ça. Ouais, non, c'est ça. Bon choix. Tandis que c'est Keanu Reeves, hein? Exactement. Exactement. T'as bien raison. Parlons des Power Rangers maintenant. Ils ont été censurés en Malaisie. Mais pas pour ce qu'on pense, non, c'est parce que leur nom, les Mighty Morphin Power Rangers, Morphin ressemble trop à morphine. De la morphine. Non, c'est pas la violence, c'est pas le fait que ça incite les jeunes à se battre. Non. En Malaisie, à cause du mot Morphin. Donc, ils ont changé le nom de l'émission, c'est devenu Mighty Power Rangers, au lieu de Mighty Morphin Power Rangers. Et quand les Rangers disaient « It's Morphin Time », c'est l'heure de se métamorphoser, genre, à la place, ça disait « It's Beep Time », ou encore un silence complet. « It's Time ». It's time. Le gouvernement faisait une campagne contre la drogue à cette époque-là et cherchait toutes les façons, dans le fond, d'enlever les références à des drogues à la télé et ailleurs. Toujours au sujet des Power Rangers, eux, ils ont été bannis en Nouvelle-Zélande jusqu'en 2011, malgré le fait que l'émission était filmée là-bas. Donc, en 1994, la New Zealand Broadcasting Standards Authority a décidé, dans le fond, d'accepter des plaintes de tout plein de gens qui parlaient du niveau de violence dans les Mighty Morphin Power Rangers. Les plaintes disaient que l'émission, donc c'est ça, montrait la violence aux enfants, que c'était la meilleure façon de résoudre un conflit. Les parents avaient peur que leurs petits-enfants, dans le fond, soient plus agressifs. Quand la BSA a pris la décision, l'émission a été retirée des stations de télé en Nouvelle-Zélande, en plein milieu de la deuxième saison de l'émission. Donc, c'était difficile à trouver sur DVD et sur vidéo aussi. Quelque chose de bizarre, par contre, c'est que dans les saisons qui ont suivi, Power Rangers Mystic Force et Power Rangers Jungle Fury, l'émission a été filmée vraiment en Nouvelle-Zélande. Donc, c'était le pays où c'était filmé. Ils pouvaient même pas le diffuser. L'émission est restée, dans le fond, introuvable à la télé jusqu'en 2011. À l'émission Power Rangers Samurai, on a décidé de ramener ça à la télé. Pourquoi, je sais pas. François, un homme a été décapité dans un ascenseur. OK, ça va bien. Ça a l'air de fun. Ouais. Hitoshi Nakaido était un chirurgien de l'hôpital Christus Saint Joseph à Houston, Texas. Le matin du 18 août, il entrait dans un ascenseur quand les portes ont soudainement fermé sur lui. Ils lui ont accroché les épaules. L'ascenseur a ensuite monté, dans le fond, et on peut comprendre le reste. Hein, ça a fermé sur ses épaules, etc., vers le haut. Là. Et il y a une employée, une femme, qui a été témoin de tout ça parce qu'elle était dans l'ascenseur. Elle a été prise là pendant plus d'une heure avant qu'on puisse venir la sauver. Hey, c'est fantastique, t'es resté coincé avec la tête. Ouais. Hein? C'est formidable, mais crime, je sais pas, l'ascenseur est bizarre dans le sens où les portes, habituellement, si c'est ici, ça coupe contact, pas, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est supposé. Ça va être les vieux modèles, je sais pas, là. Probablement. Ah. Probablement. C'est pas fantastique. Hein? C'est arrivé. Elle a dit qu'elle peut pas s'empêcher de voir ses yeux dans sa tête, dans ses rêves. Ben, j'espère. C'est pas le gars qui te regarde là, juste avant de mourir, puis il fait comme, c'est ce qui se passe là. Puis il sait très bien que tu peux pas être sauvé de ça, j'imagine. Si t'es en train de te faire. Surtout que ça commence par en haut, à un moment donné, c'est comme. T'sais. Moi, je pense que j'aurais donné un coup de pied dans la face. Non, mais pour essayer de le sortir, là. Là, peut-être. Je sais pas, en même temps, écoute, ça se passe une fraction de seconde, sûrement que j'aurais rien fait non plus. Là. Non, une fois que l'ascenseur part, c'est pas comme s'il faisait bon, mais attention, je suis en train de partir, je monte lentement, là, attention. Non, c'est là. Ça. Vite, tu sais, c'est. Le monde est pressé dans la vie, hein. C'est 3-4 étages par seconde. Ah, mais non. Tu me diras, j'ai déjà fait ce fait-là, des fois ça m'échappe. Les médailles d'or olympiques qui sont faites, complètement ou presque en argent. Oui, mais ça me semble que je l'avais déjà fait. OK, ben quand même, vu que j'en ai déjà parlé. La différence entre l'or et l'argent peut être d'aussi peu que 6 grammes. Les stipulations requièrent que la médaille, que les deux médailles soient faites d'au moins 92,5% d'argent pur, alors que la médaille d'or doit être, dans le fond, plaquée de 6 grammes d'or. Et la dernière fois qu'une médaille d'or était purement faite d'or, c'était aux Olympiques de 1912 en Suède. Voilà. Ah oui? Ouais, savais-tu que les homards, avant, c'était de la nourriture pour les esclaves, François? De quoi? De la nourriture pour les esclaves. Non. Les homards. En fait, pas les homards, parce qu'il y a un H, pas supposé de faire la liaison là. Les homards. Donc, longue historique culinaire pour les homards. Le homard, nourriture qui était très populaire, en fait, qui n'est pas devenue populaire avant le milieu du 19e siècle, ça va pas bien aujourd'hui. C'est quand les New-Yorkais et les gens de Boston, les Bostoniens, ont commencé à aimer ça. Et donc, l'industrie a commencé à s'améliorer. Avant ça, on nourrissait des esclaves ou des membres de la société plus pauvres. C'était comme une... Quand tu mangeais du homard, c'était pauvre. C'est comme aujourd'hui, qu'est-ce que tu manges quand t'es pauvre, mettons? Des toasts? Oui. Mettons. Tu craves des nerfs. À peu près. Donc, c'est ça. Ça a changé donc quand les routes et les autoroutes étaient construites, où là, c'était possible de transporter des homards frais à travers des villes partout au pays sans avoir à passer par les bateaux. Donc, la demande pour le homard est devenue, dans le fond, quelque chose de riche. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est devenu une nourriture de riche. C'est plus rare. C'est pas plus rare, en fait, parce qu'il y en a comme... plus, c'est plus facile à transporter, comme ça disait dans l'article. C'est ça que je comprends pas, comment le fait que c'était plus facile à transporter fait que c'est devenu... je sais pas. Ah, peut-être parce que c'était plus facile à exporter, alors que dans le temps, il fallait les garder dans le pays, alors qu'après ça, t'as pu commencer à l'exporter ailleurs dans le monde, donc là, soudainement, ça devenait... Il y en avait comme moins aux États-Unis. Ouais. Bon. Bref, il y a une femme vietnamienne qui a vieilli de 50 ans en quelques jours. Nguyen Thai Phuong a changé de médicament pour traiter une réaction allergique aux fruits de mer, parlant de homard. Elle avait 23 ans et elle savait pas que ça allait causer, dans le fond, que sa peau allait devenir toute ratatinée en quelques jours. Les docteurs essaient toujours de comprendre ce qui s'est passé, mais leur meilleure théorie dit que c'est un syndrome rare qui s'appelle la lipodystrophie. Un syndrome qui fait que le tissu, les gras, là, les tissus... les tissus grasseux, là? Grasseux, genre. Je sais pas. En toute sa peau ont disparu et ce qui fait que sa peau, dans le fond... elle est rendue toute ratatinée. C'est bizarre, allez voir la photo sur assemblagerequis.com. Ça dit qu'ils essaient toujours de trouver le problème et les docteurs pensent qu'ils vont être capables de ramener environ 50 à 70% de sa peau. En ce moment, elle a encore la voix d'une jeune fille et les cheveux très très noirs. Donc, c'est les deux seuls signes visibles qu'elle n'a pas 73 ans. Et on termine vraiment rapidement parce que Stéphanie Gagné s'en vient après ça. Que la chanson Crazy de Gnarls Barkley, tu sais, Gnarls Barkley? Ouais. A été retiré des palmarès pour que les gens ne se tannent pas de l'entendre. Le single est sorti en 2006 avec un énorme succès. Après avoir passé 8 ans au Royaume-Uni dans le top des best-sellers, la compagnie de disques a décidé de retirer le single des magasins parce qu'il voulait que les gens se rappellent de la chanson genre en bien et qu'ils ne se tannent pas, qu'ils ne deviennent pas malades de l'entendre, cette chanson-là. Donc, les magasins avaient assez de stock pour un total de 11 semaines. C'était le premier single à avoir fait ça depuis 1994 et éventuellement, c'est devenu un meilleur vendeur à coût de 1 million. Voilà. Donc, ironiquement, Gnarls Barkley est un duo composé de Danger Mouse et de CeeLo Green. La chanson Forget You de CeeLo Green a passé un très très long moment au sommet des palmarès grâce entre autres à l'émission Glee. Et personne cette année apparemment parce que ça joue encore. Donc, je sais pas si c'était une bonne idée de retirer la chanson. Ouais, je sais pas si ça fonctionne bien. Je sais pas, hein. Parce que cette chanson-là, en fait, moi personnellement, je suis un peu tanné l'entendre. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, on l'entend pas souvent parce qu'on écoute jamais les autres radios, mais on est déjà tanné d'entendre. Non, c'est ça. Et à un moment donné, imaginez ceux qui. Ouais. Voilà pour la chronique, c'est un fait, François. Merci Mathieu. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. On l'a pas usé à la corde. Et maintenant, le segment de cuisse de Charles André. Ouais. Fait que là, là, pour le monde qui ont deux petites minutes à gaspiller, prenez une pause là, de vos jobs là, de marde. Là, pis, Ben, ils sont supposés être sur les heures de midi. Là. Prenez plus, un break. Prenez là. Un break. Là, arrêtez de mastiquer deux secondes. Ouvrez là, la page Facebook du Dîner de con. Elle n'est pas dure à trouver. Pas en tout. C'est facebook.com/dîner de con. Alors, regarde, c'est assez facile. Là, j'ai posté un lien. Là. C'est vivre au Moyen-Âge, blog.com, machin chouette. Les très riches heures du duc de Barry. Là. Oui, oui, je vous le voyez. Oui. Ouvrez ça. Troisième. Ça, c'est un diaporama. OK? C'est indispensable pour être capable. Fait que je l'ouvre, moi aussi. Oui, oui, ouvre. Ouvrez. Moi, je l'ai dans le livre ici. Vous allez être capable de suivre. Lisez la livre ici. Vous allez pouvoir suivre même si vous ne l'avez pas, mais ça va être plus le fun. Regarde, moi, je ne suis pas un gars là, religieux pour deux sous. Mais très spirituel, par contre. Mais très spirituel. C'est spirit. Spiritueux. Je suis spirit. C'est un sprite. Et aujourd'hui, j'ai amené ce livre-là, même s'il y a du caractère religieux dedans, parce que c'est beau. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Je veux dire, moi, j'aime l'art, puis l'art, c'est t'aimes l'art. T'aimes le beau. Puis même si l'art, elle a été motivée pour des raisons qui sont discutables ou pas, ben je veux dire, ça reste que le produit, lui, là, en tant que tel, il est beau. Mais tu dis ça, puis il y a du vrai, il y a du pas vrai, dans le sens que ben les artistes, à l'époque, faisaient des trucs religieux parce que c'est ce qu'ils pouvaient faire leur vie avec ça. Ben tu comprends, ouais. Il n'aurait pas pu peindre des trucs juste abstraits pour abstraits. Il fallait être engagé par le clergé ou par des constructions. Entre autres, et c'est vraiment le cas de cette œuvre-là. Okay. Et c'est le fun de voir que, bon, des institutions qui ont commis énormément d'atrocités ont pu aussi... faire de très belles choses. Oui, exactement. Influencer les artistes à faire des choses qui sont profondément magnifiques. Donc, il faut parfois voir le bon côté des choses. Et là, aujourd'hui, j'ai amené, puis peut-être que vous en avez déjà entendu parler, j'ai amené les très riches heures du duc de Berry. Qui est en fait un espèce de calendrier d'heures. Et je vais vous expliquer un peu, en gros, qu'est-ce que c'est. En fait, les très riches heures du duc de Berry constituent, de l'avis unanime, l'un des plus beaux et pour beaucoup le plus beau des manuscrits enluminés du Moyen-Âge. C'est le plus fameux. Jean, duc de Berry, était fils, frère et oncle de roi de France. Donc, il était pas mal placé, pantoute. Il était bien plugué. Eh oui, on comprend qu'il fut mêlé aux grandes affaires de son temps, lesquelles ne cessèrent guère d'être troublées. Mais la seule chose qui l'intéressa vraiment, c'était d'accumuler autour de soi des splendeurs de toutes sortes. Parmi ces 150 merveilleux manuscrits, je m'excuse, là, mais à cette époque-là, avoir 150 livres dans ta bibliothèque, là, t'étais vraiment... T'étais riche. T'étais riche, là, oh oui. Et donc, près de la moitié consistait en livres religieux, naturellement, et dont 15 livres d'heures. Et on appelait ainsi des recueils de prières à l'usage des laïcs qui voulaient, à l'instar des prêtres et des religieux, se tourner vers le bon Dieu à certaines heures fixes de la journée. C'est ça, dans le fond, un livre d'heures. C'est comme une recette pour devenir... Pour la prière. Pour oui, la recette. Exact. Pour la prière, c'est ça. Et comme les prières variaient suivant le temps de l'année, que chaque jour amenait la fête d'un ou plusieurs saints, les livres d'heures s'ouvraient presque toujours sur un calendrier, naturellement, un calendrier de prières, comme. Les mois... entre guillemets, qu'on trouvait ici reproduits, sont admirables. On constatera en passant que l'astrologie n'était nullement étrangère, et même au contraire, aux artistes et aux personnages du temps. Outre ces planches, ce sont toutes les plus belles du manuscrit qui reproduit ici notre recueil, celui que j'ai entre les mains, que j'ai dégoté à la bibliothèque, avec de nombreux agrandissements de détails qui permettent de mieux mesurer l'extraordinaire richesse de l'œuvre. Celle-ci est identifiée, analysée, racontée avec une érudition et un brio également remarquables, et d'ailleurs, j'approuve cette dernière remarque, par Edmond Pognon, hein, qui a un nom assez cool, merci, conservateur en chef à la Bibliothèque nationale de Paris et spécialiste éminent du Moyen-Âge. Et donc, qu'est-ce que nous en dit Wikipédia? On nous dit que Les très riches heures du duc de Berry est un livre d'heures commandé par le duc Jean Ier de Berry et actuellement conservé au musée Condé à Chantilly en France sous la cote MS65. Donc, on peut même aller consulter l'original si on n'a pas l'air trop roteux. Si on a les mains propres. Si on a les mains propres. Exactement. Et là, ça va être le moment d'ouvrir votre petit diaporama. On va rapidement passer un peu par les différents mois. Donc, bon, ton mois à toi, le mois de janvier. Oui. Aïe, ça a l'air de faire mal, ton affaire. Oui, ça fait mal. Bon, est-ce que tu l'as sous les yeux, le mois de janvier? Ben, là, j'ai cette tablée, là, avec de la nourriture. Bon, ben ça, c'est notre mois de janvier. Écoute, dans les calendriers des livres d'heure, l'image de janvier, c'est un bon vivant qui se régale d'eau au feu. Oui, Saint-Janvier. Oui, exact. Le bon vivant ici n'est autre que le duc de Berry en personne qui avait commandé le livre d'heure. Il s'est fait comme peindre lui-même dans son calendrier. Le gars, il se fait faire un calendrier là, de quoi? De assez top, merci. Ben, il peut bien se mettre dedans. Ben, il se fait mettre dedans, c'est cool hein, quand même. Donc, ici, et nous le découvrons sous une toque de fourrure timbrée d'un radieux solitaire, le profil épaissi par l'âge. Et donc, voilà, pour c'est un banquet. Donc, un magnifique banquet. Et il faut absolument voir l'image. Je veux dire, c'est somptueux quand même. Ça donne peinture. Faim. Ça donne faim. Et voilà. Et si on continue le mois de février, donc, le petit bonhomme de février qui se chauffe, parfois accompagné d'un chien et d'un serviteur apportant des fagots, s'élargit ici en paysage neigeux. En supprimant un mur de la maison, on a comme une espèce de... On a enlevé un mur de la maison. Une vue de coupe. Oui, exact. Une vue de coupe pour voir à l'intérieur. Et donc... On nous dit qu'à l'intérieur, en supprimant un mur de la maison, l'artiste a sauvegardé la scène d'intérieur sans se priver de l'étoffer. La dame bien mise, qui au premier plan soulève à peine sa jupe pour offrir ses jambes aux flammes, détourne la tête pour ne pas voir ce que montre ingénument à la cheminée son fermier et sa fermière. Donc, cette dame respectable qui se chauffe près du feu au mois de février. Au mois de mars, c'est l'occupation traditionnelle de mars qu'on voit dans le calendrier. C'est la taille de la vigne qu'on voit ici. Donc, c'est des scènes qui se déroulaient dans les alentours de où est-ce que vivait le duc. Donc, il s'est pas non seulement fait peindre lui-même, mais toute sa petite vie, sa petite gang. Mais ça représente son époque, là. Oui, exactement. Et c'est une des choses qui est intéressante de ce manuscrit-là, c'est que c'est un témoignage extraordinaire du mode de vie que les gens avaient à cette époque-là. Donc, et si on continue au mois d'avril, ce mois est dans tous les calendriers celui où on cueille des fleurs. C'est à quoi s'occupe penché vers le gazon la lumière deux est élégantes très filles. Très belle là. Oui, c'est très très beau et on voit que c'est avril, c'est le retour de la nature aussi là, on a déjà hâte à avril là. Moi j'ai bien hâte déjà là. Ah oui, puis voir cette image là, ça nous donne très hâte à avril aussi. Et donc si on continue avec le mois de mai. Oui. Pour mai, l'artiste nous montre des garçons et des filles à cheval. Il se conforme ainsi à la tradition, mais il fait bonne mesure. C'est toute une cavalade précédée de musiciens qui soufflent dans une buisine, dans trois flûtes et dans un trombone. Un disque d'or accroché à l'épaule gauche les distingue. Donc, c'est un défilé de cavaliers donc, qui illustre ce mois de mai. Cavaliers de jeunes gens. Ah oui, et c'est tout à fait bon, c'est enluminé, là, il y a des dorures et l'image est très belle. Et donc, si on poursuit le mois de juin, la fenaison symbolise juin. Sur cette rive gauche de la Seine, qui fait face au palais de la cité, figuré une seconde fois, mais bien plus complètement qu'au mois de mai, le soleil doit taper assez dur, à n'en juger par les jambes nues des trois faucheurs et par les robes légères des deux faneuses et par les chapeaux et les fichus qui protègent les têtes. Et donc, ça nous donne même une idée du climat. Oui, qu'il y avait de cette époque. À cette époque. Et donc, au mois de juillet, le miniaturiste a groupé sur juillet la moisson, qui est le thème ordinaire, et la tonte des moutons qui, dans les calendriers où elle existe, prend plus généralement en juin la place de la fenaison. Donc, intéressant, une petite divergence. J'aime la couleur du ciel en fond. Le bleu est vraiment magnifique sur la montagne jaune ocre. Vraiment très belle. Oui, une très belle illustration, comme tu dis. Et ensuite, le mois d'août, le calendrier des très régionaux est le seul, semble-t-il, qui affecte au mois d'août un thème cinégétique, c'est-à-dire la scène ordinaire et le battage du blé. Tandis que ici, deux jeunes seigneurs portant leur dame en croupe, et là, sur leur monture, là, naturellement, accompagnés d'une dame seule sur son cheval blanc, partent pour la chasse au vol et donc la chasse aux osios. Aux osios. Les choses de façon poétique. Et donc, le mois de septembre appelle inévitablement les vendanges. Si indépendants qu'ils soient, les enlumineurs des traits régisseurs n'ont pas pu y échapper. Donc, et on voit une scène où on récolte la vigne et où les gens mangent de la vigne aussi. Et le château aussi en arrière est extrêmement détaillé. Une très belle illustration. Le mois d'octobre, le mois que nous vivions... Venons de passer, oui. Les semailles sont le thème obligé d'octobre, naturellement. Et le peintre dont nous avons pu admirer la manière dans le mois de mars a fait ici mieux encore, si possible. Et je dois être d'accord avec Edmond Pognon pour cette assertion. Parce que, bon, c'est une scène des plus classiques. Et d'ailleurs, le gars qui envoie les semis là, avec son bonnet blanc a l'air tout à fait cadavérique. J'adore cette illustration. Et là, on est rendu au mois de novembre. Commence en ce moment, là, aujourd'hui même. Oui, donc c'est tout à fait dans le thème. Encore un thème parfaitement traditionnel, la glandée de novembre que Jean Colombe, 70 ans après le travail des frères Limbourg, a figuré sans rien y ajouter. Et donc, les glands sont mûrs en ce mois-là et les porcs, élevés beaucoup plus en plein air que les nôtres, en sont friands. Et donc, pour les faire tomber des chaînes, le porcher, ici, lance un bâton dans les branches. Son attitude est remarquablement observée, dis-je, mais il a un laid visage et c'est vrai qu'il n'est pas joli, joli. Et comme si nécessairement, pour s'occuper des porcs, il fallait... Faut être laid. Et ça, c'est très drôle, j'aime bien. Et donc, on est rendu déjà au mois de décembre. Dans tous les calendriers, au mois de décembre, on tue le cochon. Et le maître des mois de mars et d'octobre a observé la tradition à sa manière. La victime est bien un porc, mais un porc sauvage, autrement dit un sanglier. Et au lieu d'être saignée dans une cour de ferme, elle succombe au bout d'une longue poursuite. Et on la voit justement attaquée de part et d'autre par les chiens de chasse des chasseurs. Et donc, c'est ce qui fait le tour de notre année. Et les autres illustrations... on a l'homme et le zodiaque, donc c'est très particulier quand même qu'on ait mis ça. On appelle d'ordinaire cette peinture l'homme anatomique, mais il s'agit d'astrologie et non d'anatomie. Il faut bien le préciser. Et si on poursuit, on a Saint-Jean à Patmos comme illustration. Ça commence à être des illustrations plus variées. On a le martyr de Saint-Marc, une très belle illustration aussi. La Vierge, la Sibylle et Auguste. On a le paradis terrestre, qui est une illustration qui est faite en rond, qui a une forme très particulière et très intéressante. On a la scène de l'Annonciation. Et là, toutes sortes d'autres scènes religieuses comme ça pour venir compléter. On parle entre autres de la nativité, l'annonce faite aux bergers, toutes sortes de gris-gris là, pour ceux qui aiment les gris-gris. Mais toutes les illustrations, regardez, je les passe comme ça rapidement, là, sont magnifiques. Entre autres, la chute des anges rebelles. Moi, j'aime bien cette histoire-là, des anges qui se rebellent contre Dieu, qui deviennent des démons, ça fait des guides de malades mentales. C'est cool. Pour vrai, c'est très, très cool. Les très riches heures du duc de Berry. Donc, un document que j'ai trouvé ici à la bibliothèque de Trois-Rivières et que vous allez pouvoir, là, si ça vous intéresse, dis-je, passer des heures vraiment à observer ces illustrations-là qui sont détaillées. C'est un manuscrit d'une richesse infinie, comme le disait si bien Edmond Pognon. Donc, quelle année, ça? Peux-tu nous rappeler? Oui. Autour de quelle année? Sans problème. En fait... Les illustrations sont de date de quelle année? Manuscrit enluminé du 15e siècle. Ah. Donc, c'est 1400 quelque chose, là. Donc, très bien. Ça date, là, oui, quand j'aime. Même. Moi aussi, j'aime bien. Et ça me rappelle un peu l'école flamande, les premiers... l'école flamande... Dans le style de peinture, oui. Et puis, eux aussi étaient assez portés vers l'enluminure et tout ça. Donc, c'était très bien. Oui, donc, j'espère que ça n'a pas été trop pesant non plus, parce que non. Je sais que c'est quelque chose de très visuel. Si vous avez suivi avec le diaporama, ben tant mieux pour vous. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis c'était bien intéressant. Parce que vous avez naturellement un peu plus de juice que si vous entendez juste mes descriptions, mais du moins, j'espère au moins vous avoir donné envie d'aller vous procurer le document puis de jeter un œil là-dessus. Et de devenir membre de notre page Facebook au facebook.com/dîner de con. Ben oui, tout à fait, parce que si vous ne l'êtes pas déjà, ben vous manquez quelque chose. Et là, sinon, en musique, j'ai amené quelque chose de tout à fait extraordinaire aussi. C'est la compilation Guitar Music of Chile de José Antonio Escobar. Et on va écouter la première pièce de cette compilation et on s'en reparle tout de suite après. Profitez-en.

Donc, à la place de les manipuler avec une télécommande, pourquoi pas une sorte de fusil laser pour pointer dans la direction où on veut que la voiture se dirige? Hein? La voiture va détecter le pointeur laser et va se jeter dans sa direction. Pareil, comme un chat. Les chats sont tellement excités par ces affaires-là, c'est ridicule. Je sais pas si ça fonctionne bien. Je sais pas. 40$ sur Internet, donc allez voir assemblagerequis.com. Je sais pas, j'imagine comment... ça doit pas, tu dois pas pouvoir aller à une distance là, trop, trop loin. Trop, trop... Je sais pas. Ouais. Ça a l'air à vouloir sauter partout, ça, là. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, c'est ça, si t'as un chat, là, c'est le chaos total, là. Voyons non. Le chat part après ça, t'as le char, tout le monde se fonce dedans, un accident. Ça coûte 40$ quand même. C'était la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Fantastique, merci Mathieu. Fantastique. On aime ça. On adore cette chronique-là. Les beaux produits, là. Ah, c'est divertissant, ça. Oh, mais... Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Le Charlie Hebdo qui a mis le feu aux réseaux sociaux. On le sait, Charlie Hebdo, ça, c'est un genre de safari français. Français, OK, je savais pas. Donc, Charlie Hebdo a été victime d'un attentat au cocktail Molotov cette nuit, alors que sortait ce matin le spécial Charia Hebdo, qui était un petit pastiche, finalement, pour... en tout cas. On se moquait justement des événements qui ont lieu en Tunisie où les élections démocratiques ont abouti à la victoire du parti islamiste. Vous avez bien compris. Donc, n'allez plus en Tunisie. Moi, je boycotte ce pays. Parce que là, ils ont élu le parti islamiste. OK, ils veulent remettre la charia au goût du jour. C'est une très bonne idée. Hein? Ah, ben oui, hein, pourquoi pas. Non, mais... c'est un peu désespérant. Ananda annonçait Mahomet en rédacteur en chef pour cette version Charia Hebdo et le dessin faisait le tour des réseaux sociaux depuis le début de la semaine et les tensions étaient déjà exacerbées alors que la plupart des messages sur Twitter expriment un soutien absolu pour Charlie Hebdo. Il n'en va pas de même sur Facebook où l'éventail des réactions est beaucoup plus large. Donc, il y en a beaucoup qui étaient contre ce méchant magazine d'humour. Et puis moi, j'ai même pris la peine de dire à une dame qui était à moitié voilée sur le site de Charia Hebdo, parce qu'on a la page Facebook, qui disait que Charlie Hebdo recevait juste ce qu'il méritait en ayant été attaqué au cocktail Molotov par trois extrémistes islamistes. Oui, donc... Ben moi, je lui ai dit qu'elle était une connasse retardée mentale et arriérée. Et là, sûrement qu'il doit y avoir des islamistes qui doivent avoir mis ma tête à prix, genre... Là. Ah ben oui, mais l'affaire, c'est que... Parce que t'as pas le droit de dire que... T'as pas le droit de rire de l'islam, t'as pas le droit de rire de Mahomet, t'as pas le droit de mettre en cause... de remettre en question les principes de l'islam sans être... Je te félicite, Danny, puis d'avoir mis ta tête à prix pour, je veux dire, oui, le bénéfice de la vérité puis de la justice. En plus, que ce soit une femme qui approuve ça, quand on sait que la charia charrie les femmes d'un bord... Charia, oui. Ouais, charia les femmes, il les chariera probablement de nouveau puisqu'ils ont décidé de déterrer ça. Non, c'est vrai que c'est tout à fait ridicule. Et tu fais bien, Danny, de dénoncer ces arriérés mentales et je veux bien mettre ma tête à prix avec la tienne. Ben, c'est justement la page Facebook de Charlie Hebdo s'est transformée en un véritable champ de bataille entre musulmans inoffensés, frontistes revendicatifs et au milieu des lecteurs donc assidus du Charlie Hebdo. En général, ça ne vole pas bien haut toutes ces commentaires. Mais c'est normal parce que, je veux dire, on a le droit à la liberté de l'expression, on a le droit de rire de ce qu'on veut. Enfin, en tout cas, c'est décourageant tout ça. En tout cas, Mahomet, tes culottes à matin avant d'aller à l'école, sinon tu vas être à l'école en bobette. Hey, on nous dit que même sur cette page, pourtant rares sont ceux qui osent défendre les auteurs de l'attentat, mais il y en a quand même, c'est ridicule. Oh. Et puis comme cette dame que j'ai traitée de connasse fièrement et que je maintiens tout à fait. Non, mais je veux dire, je sais pas si je dois en rire ou en pleurer, Danny, pour vrai. J'en reviens pas. Je veux dire, qu'on décide de retourner en arrière comme ça au niveau des valeurs puis des philosophies. On dirait que l'être humain est pas capable de se passer de domination. Hein? Il faut absolument vénérer quelque chose puis se faire écraser par quelqu'un pour se sentir à sa juste place. Sinon, quel manque d'humilité ce serait hein, de pas vénérer quelque chose d'autre que soi-même. On peut-tu commencer à miser sur soi-même, à se bâtir comme individu puis à progresser dans la vie au lieu de toujours déterrer des vieilleries qui nous ramènent vers la préhistoire, disons-le. Tout à fait précis, Charles-André. Merci. Merci. Tiens, on va aller vers quelque chose d'un peu plus léger, mais quand même pas si léger. Des sucettes à la morphine pour les soldats américains. Eh bien oui, les marines aiment les sucettes à la morphine. Et oui, les soldats américains ont développé un nouveau vecteur d'administration de ce produit censé calmer les fortes douleurs. Si l'aiguille et la seringue continueront d'exister, la sucette maintenant fait son apparition. Brian Block, porte-parole d'un corps de 200 000 hommes, explique le principe. En gros, il suffit de sucer, le produit passe plus rapidement dans le sang via les muqueuses de la bouche. Outre cette manière plutôt insolite de prendre la morphine, la sucette présente plusieurs avantages. Certaines blessures aux bras et aux jambes provoquer une constriction des vaisseaux sanguins, rendant inadaptée et très difficile l'injection classique avec une seringue. Oui. Aussi, cela permet de limiter le dosage administré si le soldat tombe en état de choc. Il suffit de lui retirer le bonbon de la bouche, chose impossible avec de la morphine qui est déjà injectée dans le bras du dit soldat. Oui, naturellement. Donc, faites-vous votre idée. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. C'est une évolution dans cette administration de médicaments. Ben oui, naturellement. Mais bon, l'idéal, ce serait naturellement qu'on n'envoie pas nos enfants, nos amis, nos pères, nos cousins se faire charcuter sur le champ de bataille puis qu'on n'ait pas besoin, après ça, de leur enlever les douleurs. Dans un monde idéal, Charles-André, on serait pas là, ici, à la radio, en train de parler. Ben, je sais pas. Moi, je suis bien ici, là. Non, dans un monde idéal, moi, je serais ici pareil, là. Ben, ça dépend. Je pense qu'on n'aurait pas besoin de radio, on n'aurait pas besoin de ça dans un monde idéal. Ouais, non. Mais je parle dans une utopie, ouais, là. Mais justement, le monde idéal, c'est peut-être la pire des cauchemars. T'as raison, qu'on tomberait dans un dogme encore. Ouais, exact. Pas de vodka, pas de pétard, pas de... Je parle des filles, là. J'apprécie ta sagesse. mais blague à part, par exemple, c'est vrai que, tu sais, je m'excuse, mais la morphine, elle est vraiment là pour justement enlever des douleurs aux soldats, aux gens qui souffrent aussi, d'ailleurs, plus dans les hôpitaux. Même dans les hôpitaux, la morphine est vraiment... Dans les situations médicales. Donc, même s'il n'y avait pas de guerre, la morphine serait probablement quand même nécessaire. Donc, on voit qu'il n'y a pas de solution parfaite, là, puis que c'est quand même une belle initiative malgré toutes les niaiseries que je peux dire d'une journée. Et les miennes aussi. Ah, ben voilà. On va aller vers, cette fois-ci, un jeu de miroirs et d'illusions au milieu de la place Vendôme, Ring. Donc, c'est un truc qui a été imaginé par un artiste français. Une œuvre d'art est un fabuleux jeu de miroirs et de réflexions. Et donc, il est mis en valeur au centre de la place Vendôme. On doit cette troublante œuvre d'art à l'artiste Arnaud Lapierre, lauréat cette année des Audi Talent Award Design, à qui, donc, à l'occasion de la FIAC, F-I-A-C, je ne sais pas si c'est, donc, vient d'imaginer cette superbe installation singulière, inventive. Et par un subtil jeu de formes et de miroirs, l'artiste a aussi créé Ring, une œuvre circulaire où vient se réfléchir le paysage urbain dans des cubes disposés en quinconce, donnant lieu à une certaine illusion d'optique. Les images sont vraiment magnifiques, allez voir ça. Entre l'art cinétique et le surréalisme, l'installation magique d'Arnaud Lapierre se veut être, selon ses propres mots, l'artiste d'une œuvre dynamique qui modifie les rapports entre les individus et l'espace qu'ils traversent, comme un véritable puzzle. Ring offre aux passants qui l'approchent l'expérimentation d'une déconstruction visuelle à l'échelle du corps. Alors découvrez cette œuvre en plein Paris en cliquant sur la page Facebook du Dîner de cons. Le lien de l'article est là, mais les photos ne sont pas encore si faciles à trouver, là. Donc, mais ça ne saurait tarder. Ça va prendre quelques instants. On va aller voir ce député japonais qui boit de l'eau provenant de Fukushima. Il ne devrait pas. Il était nerveux et ça se voit, et pourtant, ça, il l'a fait. Devant les caméras des journalistes sceptiques, le parlementaire et secrétaire Yasuhiro Sonoda a bu un verre d'eau provenant de la centrale nucléaire de Fukushima. Le liquide provient d'un des bâtiments de la centrale inondé lors des opérations de refroidissement. L'objectif de ce geste était de prouver l'efficacité du système de décontamination aux journalistes qui demandaient des preuves de la sûreté de la zone qui entoure la centrale. L'eau avait été préalablement filtrée, mais l'homme politique était visiblement nerveux. Le responsable politique a toutefois précisé que le simple fait de boire cette eau décontaminée ne signifie pas la sûreté d'un lieu. Ben là, naturellement. Et il en est conscient, a-t-il nuancé. Le meilleur moyen de fournir donc des données au public, il y a de meilleurs moyens. Maintenant, la décontamination de la région devrait, elle, prendre plusieurs décennies. On le comprend. Oui. Il n'est cependant pas certain que le gouvernement japonais réussisse à rassurer pleinement la population alors qu'une nouvelle fission nucléaire se serait produite dans le deuxième réacteur de la centrale de Daiichi, gravement endommagé lors de la catastrophe. De mars dernier, l'opérateur TEPCO a annoncé mercredi qu'il avait commencé à injecter un mélange d'eau et d'acide borique dans le réacteur. Pour voir cet homme politique boire un verre d'eau décontaminé, cliquez sur le lien de la page Facebook du TEPCO. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou.

morts dans les inondations. Il n'existe pas de chiffres concernant le nombre de rats morts dans les inondations, mais on peut déjà affirmer que cette fin d'année, donc les Vietnamiens auront bien du mal à se procurer leur déjeuner. Donc, les rats. Mais j'ai déjà eu un rat comme animal de compagnie. Je lui avais donné le très amusant nom de bactérie. Ah! C'est quand même cool, hein? C'est gentil. Ben oui, c'était bien drôle. C'était gentil comme nom. Par exemple, je le gardais à l'insu de mes parents. Oh! Mais là, ils viennent de l'apprendre, là, s'ils savent. Ben non, je leur avais déjà comme dit... Par après, là, exactement. Donc, ce ne sera pas une grosse surprise. Et le rat... en question. Eux autres m'auraient probablement pas autorisé à l'avoir. De toute façon, je voulais... Tu trouvais ça le fun de le cacher. Ouais, puis je voulais que ça soit mon initiative. Pas juste un thrill aussi, c'était pour m'affirmer comme individu qui prenait des décisions aussi. Ah, okay. T'sais, comme la décision d'avoir un animal de compagnie, enfin. Tout ça pour dire que le Dira, par exemple, moi, je travaillais dans un camp de vacances à l'époque où je sais pas si j'étais campeur. Je me rappelle plus exactement de l'âge que j'avais, mais de ce que je me rappelle à cette époque-là, j'étais plus en âge de travailler dans les camps de vacances, chose que j'ai faite de nombreuses années. Et puis là, à un moment donné, j'ai comme juste pas calculé que, tu sais, je reviendrais pas assez tôt là, pour nourrir le rat, puis, tu sais, dans mon esprit incomplet. Et de par ma faute, le Dira est décédé, Danny, et j'en éprouve une culpabilité assez troublante. Arrête. Mais peu importe, ça pour dire que quand je suis revenu, puis j'ai constaté que mon petit copain était trépassé, je me suis dit, il faut lui faire des... Des obsèques. Des obsèques, merci. Et je me suis dit, l'incinération est probablement la meilleure solution, mais j'avais pas calculé pour consommer entièrement le petit corps de l'animal, j'aurais besoin d'un peu plus que du papier exactement. Et malgré tous mes efforts, tout ce que j'ai parvenu à faire, c'est de griller le rat. Le poil du rat. Ben, pas juste le poil, griller la chair aussi, de griller le rat. Est-ce que ça sentait bon? Ben, c'est là où est-ce que je voulais en venir, mon cher Danny. C'était troublant de constater que ça sentait bon, que c'était même appétissant. Ça sentait la bonne viande grillée du barbecue. Je trouve que les voisins font comme ça sent le barbecue. Non, pour vrai. C'est, le rat peut-être plus appétissant qu'on pourrait le penser. Merci, Charles-André. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Assemblage requis. C'est la chronique financière. Et non, ce matin, ce n'est pas Yann Martel, mais bien Caroline Lajoie, conseillère d'orientation et Simone à l'UQTR. Bonjour, madame. Bonjour, ça me fait plaisir. Vous allez bien ce matin? Oui, très bien, merci. Formidable, formidable. D'abord, on va aborder la question, conseillère d'orientation, ça fait quoi? Conseillère d'orientation, d'abord, ici à l'UQTR, on est trois conseillères d'orientation. Okay. J'ai mes collègues Marie-Josée Marion et Martine Trudel. Toutes les trois, notre rôle est d'accompagner les étudiants, dans le fond, dans ce qu'ils vivent ici à l'université, parce qu'on peut penser que l'orientation s'est réglée du moment où on a notre admission. Ben, c'est ça, exactement. Ma question était là. Des fois, en fait, j'imagine que les gens pensent qu'il est trop tard pour... En fait, consulter une conseillère d'orientation. Bien, en fait, l'orientation, c'est toute la vie, je vous dirais. J'ai des collègues qui œuvrent avec les adolescents jusqu'à la retraite, là. Okay. Donc, au niveau de l'université, ce qu'on reçoit comme demande, c'est qu'on a des étudiants... Dans le fond, vous avez des décisions à prendre. On a des décisions à prendre toute une carrière. Et quand on entre à l'université, oui, il y a une fin de questionnement qui est arrivée, mais il y a d'autres questionnements qui vont surgir, que ce soit pour quel est le stage que je vais aller faire. Des fois, il y a un questionnement au niveau du programme aussi. Je pensais que ce serait ça, mais c'est pas tout à fait ce que je croyais. Donc, je veux me questionner aussi au niveau de mes études pour la suite. Est-ce que je vais à des études supérieures? Est-ce que j'intègre le marché du travail tout de suite? En fait, c'est ça, vous les orientez pour que les gens, en fait, prennent des décisions les plus éclairées possibles. Tout à fait. L'objet de notre travail en orientation, c'est l'interrelation entre l'individu et son environnement, okay. que ce soit à travers les études ou à travers l'emploi, dans le fond. OK. Et puis, quand on rencontre les étudiants, ben, il y a divers questionnements. Il y en a que c'est des choses claires, ils ont des petites questions précises, mais il y en a d'autres qu'il y a un questionnement plus important. Donc, notre mandat est de les éclairer, les aider dans leur prise de décision, dans leur réflexion. Et une petite question indiscrète, est-ce que, en fait, il y a des élèves qui vont voir et puis changent complètement la carrière? Oui, après, ça oui? va arriver. Même ça ici, va arriver. À l'université? Même ici, à l'université. Okay. Ils étaient dans un programme et ils décident d'aller vers un autre. Puis vous savez aussi, il y a des programmes qui sont contingents. Quand on veut exercer une profession, après, il faut faire partie d'un autre professionnel et souvent, il y a une maîtrise à faire. Donc, comme en psychoéducation ou en psychologie, le doctorat, c'est pas tout le monde qui y a accès. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec un bac sur le marché du travail après. Puis, il y en a d'autres qui, oui, vont décider de se réorienter. Mais il y a une grande partie que c'est clair, puis ça va très bien dans leur programme. Et ce qu'ils veulent, c'est venir voir c'est quoi mes perspectives après, quel genre de où chemin, je peux travailler. Des fois, en fait, c'est ça, il y a des opportunités. D'emploi qu'on n'avait même jamais pensé. Tout à fait. Et nous, on dispose d'informations. On a, entre autres, un centre d'information carrière et études. Vous avez probablement remarqué le local vitré. Oui, c'est ça. Juste en face de la poste, du bureau de poste exactement. Ici à l'université. C'est le lieu pour prendre les rendez-vous en orientation si vous souhaitez nous consulter parce qu'on fait des rencontres individuelles. Puis on va se présenter parfois dans des classes, mais c'est à la demande de soit des départements ou des enseignants pour aller donner des conférences précises là, sur un point. Okay. Puis cette année, mais c'est ça, on a décidé de faire un plus. On voulait ajouter au service qu'on donne, puisque l'université a à cœur la réussite des étudiants. Ce qu'on voulait cette année, c'est ajouter un plus en allant chercher d'autres conférenciers. Mais c'est ça, en fait, là, on va parler du café semaine, conférence. Oui, c'est ça. C'est dans le cadre de la semaine? De l'orientation, québécoise de l'orientation. C'est que nous, on est membre d'un ordre professionnel et depuis des années, ça a lieu cette semaine-là de l'orientation. L'objectif étant de faire connaître un petit peu plus, justement, le rôle des conseillers d'orientation et ce qu'on peut vous apporter comme aide. Et cette année, puisque, comme je disais, l'UQTR a à cœur la réussite des étudiants, on a eu l'appui de la direction, de notre haute direction, pour aller chercher des conférenciers cette année pour vous donner un plus. Donc, c'est une conférence qui va avoir lieu le 7 novembre prochain à 13h30. C'est gratuit. C'est accessible aux étudiants, évidemment, puis aux employés de l'UQTR aussi. Mais c'est ça, c'est ma prochaine question. Oui. C'est disponible pour les étudiants, mais aussi pour les employés. Oui. Bien, on se dit, les employés travaillent en lien avec les étudiants puis ils se questionnent aussi sur comment le mieux les accompagner pour leur réussite puis qu'ils s'insèrent sur le marché du travail. Okay. Donc, c'est dans cet objectif-là. Puis, il y a des employés qui sont des parents aussi. Oui, exactement. Qui se questionnent pour leurs enfants. Puis, donc, est-ce que ça serait possible, un employé qui vient de voir et vous dise peut-être changement de carrière? Pour les employés, c'est plus les programmes d'aide aux employés. Ils ont accès à un programme d'aide qui leur offre des services s'ils veulent consulter. Vraiment étudiant, vous êtes axé là-dessus. C'est ça. Mais la conférence, on a invité les employés aussi, puisqu'ils sont concernés par la réussite. C'est ça. C'est bien, étudiants. Exactement. OK, formidable. Et puis, en fait, c'est ça, les thèmes qui vont être abordés? Bien, c'est ça. C'est que cette année, la semaine de l'orientation, c'est déployer les talents gagnés sur tous les plans. Et nous, notre conférence, on l'a intitulée « Votre carrière, développement, décision, enjeux et perspectives ». Nous avons deux conférenciers, qui est M. Mathieu Guénette, qui est conseiller d'orientation, donc un de nos collègues, qui a œuvré dans différents milieux. Il a déjà travaillé aussi dans le milieu universitaire, donc il connaît bien les problématiques des étudiants universitaires. Et actuellement, il travaille dans une grande firme à Montréal qui, lui, c'est au niveau de l'accompagnement, de la sélection des talents, de tout ce genre de clientèle-là. Donc, il travaille en lien direct avec le marché du travail actuellement. Lui, il en va passer, là. Oui. Puis, il est sur le terrain. Là. Oui, tout à fait. Donc, on trouvait ça pertinent. Il va venir parler, justement, de l'identité professionnelle, du développement des talents pendant notre cursus scolaire et par la suite aussi. Et pour faire un complément intéressant, on est allé chercher un économiste d'Emploi Québec qui va nous parler des réalités du marché du travail actuel, entre autres en Mauricie. Et des enjeux. Quels sont les enjeux sur le marché du travail? Est-ce que ça va bien présentement? C'est C'est ça. Okay. Comment ça se déroule? On entend parler beaucoup des baby boomers qui s'en vont à la retraite, mais en même temps, il y a de l'incertitude au niveau économique. Les gens sont inquiets. Exactement. Et puis, en fait, ce qu'on entend, c'est qu'on a besoin d'infirmières, mais on n'a pas vraiment besoin des autres personnes, en fait. C'est ça. Alors, il va nous dresser un tableau général. Okay. Les gens vont pouvoir poser des questions à ces deux conférenciers-là. Mais c'est ça, les étudiants peuvent poser des questions aussi. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Ce qu'on voulait, notre objectif, c'est vraiment de susciter une réflexion. Okay. On est conscient qu'il n'y a pas tout ce qui va être répondu là, mais c'est vraiment de susciter une réflexion, de donner des outils, d'apporter un plus, comme je disais, là, avec ce qu'on offre déjà ici à la communauté universitaire. Là. Formidable. Formidable. Très intéressant. Ça se déroule le 7 lundi. Novembre. Lundi prochain. À 13h30 à l'Atrium. C'est toujours possible de s'y inscrire actuellement. Et c'est ça, il faut s'inscrire. Oui. Obligatoire. C'est possible d'y arriver sur place, mais ce serait préférable pour nous, pour notre organisation. Okay. C'est toujours plus simple. Inscrivez-vous, là. Oui, c'est ça. En allant sur le portail étudiant, tout est indiqué là. Vous avez le lien direct pour pouvoir faire l'inscription. Formidable, formidable. Et évidemment, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des prix de présence. Oui, c'est ça. On a été chercher quelques prix de présence, là. Donc, pour agrémenter le tout. Ça peut être très bien, ça. Ça peut être très bien. Hey, merci beaucoup, Caroline Lajoie. Ça me fait plaisir. Conseillère d'orientation et ciment à UQTR. Si, en fait, on a des questions, c'est vous possible de nous contacter, vous présenter au CIC, le Centre d'information carrière études, comme je vous mentionnais. Ça, c'est sur le coin, là. C'est sur le coin, le 1251 Albert-Tessier. Nos bureaux, à mes collègues et moi, c'est au service aux étudiants, avec tous nos autres collègues qui offrent des services à la communauté étudiante. Et puis, la possibilité de prendre rendez-vous, vous pouvez le faire en contactant aussi Mme Diane Rodrigue au poste 6055. Prendre rendez-vous en orientation ou se présenter sur place. Et le lundi, en après-midi surtout, il y a un conseiller d'orientation qui est là si les gens ont des petites questions. OK, dans le bureau vitré toujours? Dans le bureau vitré, c'est ça. On a notre présence là le lundi en après-midi. Okay. Et puis, il y a aussi, comme je vous disais, les rencontres individuelles. Le fonctionnement des rencontres, c'est qu'il y a un temps, vraiment, une première rencontre là, où on voit avec l'étudiant c'est quoi qui est le besoin. Mais c'est ça, vous prenez connaissance de l'étudiant en tant que tel? Oui, tout à fait. C'est des rencontres individuelles, puis on est vraiment là pour l'étudiant, pour les questionnements que lui a, on le dirige vers des sources d'information, on a de l'information qu'on peut leur transmettre, il y a des sources aussi évidemment beaucoup sur Internet, hein, on est à l'ère moderne, donc on vous dirige vers les sources d'information et vers nos collègues, quand c'est pas nous non plus qui a le service que vous avez de besoin, au service aux étudiants, tous les collègues sont là pour les autres services, donc on vous dirige, on travaille vraiment en équipe multidisciplinaire. Fantastique. Et dans le local, en fait, il y a des documents qu'on peut consulter en tout temps? Oui, tout à fait. Sur place, des revues sur l'emploi. Les emplois aussi qui passent dans les journaux sont là. On affiche tout ça. C'est vraiment à découvrir. Ça, c'est bien. Et c'est un service confidentiel, j'imagine. Hein? Oui. Parce que des fois, en fait, les gens sont peut-être plus ou moins à l'aise de parler. Non, c'est ça. C'est confidentiel. Et d'ailleurs, on dit à nos clients quand on les rencontre, si on vous croise sur le campus et qu'on ne vous entretient pas une grande conversation, c'est pas parce qu'on est herbête. C'est parce qu'on veut préserver votre confidentialité. Ah, c'est bien, vraiment ça. Toute confidentialité. Oui. Formidable. Merci beaucoup, Mme Lajoie. Merci très à sympathique. Vous. Il va falloir qu'elle fasse attention pour ne pas trop parler au monde parce qu'elle disait qu'elle avait des bonnes capacités verbomotrices. Oui, vous avez entendu. Je ne vois pas ce qu'elle veut dire par là. Merci votre patience. Carine Lajoie. Mais non, c'était parfait, vraiment. Oui, fantastique. Merci, au revoir. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique. C'est Yahoo qui nous a envoyé ça. Oui, tout à fait. À Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. 11h45 et c'est la bière de la semaine présentée par La Barrique. Je le dis parce qu'on a parlé par-dessus le tag. Oui, tout à fait. En fait, 4170 Boulevard des Forges, en face du centre Les Rivières, la barrique, la seule endroit où on peut... Le seul endroit, un endroit. C'est oui. Le seul endroit où on peut acheter une bière telle que la Beta 6 à Trois-Rivières. Beta 6, en plus, vraiment assez particulière, cette bière. D'après ce que Xavier m'a parlé un peu de cette bière, eh bien, on est rendu... je pense que c'est Brasseur Illimité qui fait ça, regardons. En fait, on nous dit bière-red. Ouais, mais ça, c'est l'adresse. Est-ce que c'est vraiment l'adresse des Brasseurs Illimité? Oui, c'est bien les Brasseurs Illimité, mon cher Danny. Donc, je me demande si c'est l'adresse de leur site Internet ou c'est un site juste pour cette bière-là. C'est ce que je vais t'expliquer. C'est un site juste pour cette bière-là. Et comme tu le répètes, elle se présente comment, son nom? C'est la bêta numéro 6. Donc, comme un test. Tu sais, un bêta-test, là. OK. Donc, on a des bêta. On a déjà eu le bêta 5, bêta 4, bêta 3 juste avant ça. On est rendu au bêta 6. C'est la sixième édition, donc. Et c'est pas une bière qui est en devenir d'être une vraie bière. Okay. C'est vraiment dans un cadre de recherche et développement. Wow! C'est une bière scientifique, finalement, avec un QR code. Vous connaissez les QR codes, là? C'est les genres de codes-barres, mais plein de dessins tout croche, là. À cette heure, c'est bien à la mode depuis peut-être 6 mois, 1 an, là. Oui, tout à fait. On en voit partout. Sur les affiches, on peut prendre notre téléphone intelligent, comme si un téléphone pouvait être intelligent, et puis le photographier, prendre ça. Puis là, ça nous amène sur un site Internet, souvent un YouTube ou un lien. Cette fois-ci, si vous prenez votre téléphone super intelligent, brillant et Einstein, bien, vous allez avoir, par le QR code, un formulaire pour donner ses impressions sur la bière. Wow! Quand même assez intéressant. C'est très intelligent comme initiative. Danny, hier, moi, j'ai été à la barrique m'acheter une triple. Je suis pas un amateur, je suis plus un amateur de double habituellement. Oui. Mais là, ces temps-ci, j'ai décidé de faire péter les barrières de mon esprit et de ma dégustation. C'est une bonne idée. Et d'essayer des nouvelles choses. Et d'ailleurs, ça me sert assez bien. Je fais des belles découvertes. Et je suis tombé sur cette bouteille-là. Et j'étais vraiment intrigué. Je t'avouerai que hier soir, j'ai failli en acheter une tellement j'étais intrigué. Oui. Et c'est une triple, hein? OK. En plus, c'est une triple. Ben, oui, on a des informations, d'ailleurs, sur l'étiquette à ce sujet. Mais donc, l'étiquette qui dégage quand même une certaine aura de mystère qui avait beaucoup attiré mon œil quand même hier soir. C'est un noir et blanc, là, assez... Frappant. Frappant, oui. C'est pas une étiquette qu'on est habitué de voir. Une très belle. Elle s'appelle Projet Beta 6. Et puis, comme il était inscrit exactement, passe-moi la pierre. Oh, là, voilà. Je vais vous donner la formulation qu'on lui donne. Les bêtas sont de purs produits de recherche et de développement et non pas une forme de pré-marketing. En échange de votre participation à l'avancement des nouvelles connaissances, le prix de votre plaisir est symbolique plus qu'autre chose. Wow! Mais c'est très, très bien. Donc, Brasseur Illimité. Et puis, ce qu'on nous donne, comment vos commentaires sont appréciés afin de recentrer l'exercice sur l'aspect scientifique et de profiter pleinement de votre dur labeur. Voici la Beta 6, une bière plus intense avec les mêmes variables et testée que... OK. Plus intense avec les mêmes variables à tester que la Beta 5. Le formulaire a été lui aussi légèrement modifié afin de réduire la subjectivité. On vous dit merci déjà pour votre aide parce que vous allez apporter une évolution à cette bière, la Beta 6. Bon, ben c'est quand même intéressant comme concept. C'est très participatif, je trouve. On se sent important. On se sent pas juste comme quelqu'un qui boit de la bière. Mais j'aurais le goût de me sentir important là. OK, oui. Ça serait le temps de me sentir important. Bon, je veux y goûter. Je capsule le joli bouchon rouge. Et puis tantôt, tu nous mettras, vu que c'est toi qui manage ça, qui fait la manutention, tu nous mettras le lien qu'il y a sur la bouteille parce que, étant donné qu'on ne peut pas faire un copier-coller du QR code, ben on mettra ça sur la page Facebook du Dîner de con. Excellente idée. Ça ne saurait tarder. Merci beaucoup, Charles-André. Donc, je vous laisse écouter tout cela. C'est pas grave, c'est signe qu'elle voulait pas se faire ouvrir. Non, mais elle était déjà ouverte. Mais je veux dire, je l'ai ouvert, et puis après ça, je me suis dit, moi, ma mère est ouvrée. J'ai tellement de plaisir à l'ouvrir que m'a essayé de la réouvrir, mais quand t'es déjà ouverte, c'est le temps de la boire. C'est le temps de la boire. Eh bien oui, vous êtes dans le dîner de con. On voit Charles-André qui se laisse aller dans une bière. Un petit format de bière normal, celui-là, une 365, c'est ça? En fait, ce format-là classique, c'est Le format habituel, là, j'ai juste pas... Ah oui, 341, ce format-là. Ah, 341. Oui, 341. C'est le format bière Molson. Là, oui, on nous dit que c'est une bière à 8,7% d'alcool. Quand même. Hein? Quand même. Donc, triple fermentation. J'ai hâte de participer au projet. Ben nous, je pense qu'on va être invités même à aller remplir le dit formulaire, hein, Charles-André? Ben oui, je pense qu'on est habilité à ça. Je pense qu'on est habilité à ça. On commence à l'être. Bon, donne-moi celle-là la moins pleine. Là. Ça va être parfait. Faut que je lise des affaires en ondes, là. Oui. Attends, on va se faire un petit chin. Eh bien oui, on la boit à vous, cher auditeur. On va se mettre un peu de jazz. Wow. Ah, je m'excuse, là, mais wow. Je pense que c'est la meilleure triple que j'ai jamais bu de ma vie, là, pour vrai. Non, non, sérieusement. Ils osent appeler ça un bêta. Moi, je trouve que c'est un produit assez bien fini, merci. J'aime... Bon, on se le cachera pas, il y a une amertume. Oui. Sauf qu'elle est tempérée par mille notes de fleurs ou de ouais, miel. Oui, c'est très rond, très... Miel, ouais, de... c'est mielleux. Mm. La couleur est ambrée, blonde ambrée, je dirais, blonde... Oui, sauf que, par exemple, c'est clair, c'est pas trouble, hein, ça, il faut le dire. Ah non, elle est pas du tout... Elle est très, très, très claire. Il n'y a pas de lit, c'est pas une bière non, sur non, lit. Non, exactement. Vraiment une très, très bonne bière. J'ai de la difficulté à la décrire, par contre. Ben, personnellement... Mais comme tu dis, c'est vraiment une excellente triple. C'est une triple qui se distingue, là, vraiment. Parce que, d'habituellement, les triples... Bon, on peut trouver là-dedans un côté... Ça goûte un peu la Belgique, disons. Hein. Oui, tout à fait, mais... ça reste relativement doux hein, pour une bière oui. à 8,7% d'alcool. C'est on loin sent d'être pas un beaucoup assaut. L'alcool. Là. C'est loin d'être un assaut. Oui, tout à fait. On sent pas beaucoup l'alcool, faut le dire. Même que j'ai le goût de la boire là. Là. Oui, elle se laisse boire. Ce qu'on boit en ce moment, la bêta numéro 6. Projet bêta numéro 6. Oui. Est-ce que tu nous as mis l'adresse sur la page Facebook du Dîner de Con? Pas encore. Je suis en train de vous de l'écrire même en ah, ce moment. Maudit. J'étais en train de le taper au clavier, ça ne saurait tarder. Et bon, je vous rappelle que c'est une bière des Brasseurs Illimités dont on a aussi mis l'adresse sur la page Facebook du Dîner de Con. Mais si vous voulez en savoir plus, au fond, la meilleure place où aller, c'est carrément à Barrick, 4170 Boulevard des Forges, juste à côté de la Cage au Sport, drette en face des rivières. Oui! Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Et puis je vous parle de qu'aux États-Unis, nouvelle mode, c'est faire les poubelles. Ah oui? Oui. Ben, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Ah, c'est la barrique qui prépare. Et donc, qui présente ça. Je vais aller vous voir tout de suite. De plus en plus d'Américains se mettent à fouiller dans les poubelles sans être pauvres. Ceux-ci cherchent simplement à profiter un peu des tonnes de produits invendus et sains qui finissent à chaque soir dans la poubelle. Ashley Field fait partie de ces milliers de New-Yorkais qui ont découvert les trésors que renferment les poubelles de leur ville. Comme le rapporte le site Oddity Central, cette étudiante en théâtre n'est pas sans abri et n'a pas vraiment de problème d'argent. Elle se livre à une telle pratique, c'est parce que la tâche n'a rien de compliqué ni de dégradant et lui permet de faire des économies sur la part de son budget consacré à la nourriture. Parallèlement à ses études, elle travaille dans un théâtre et fait les poubelles, et faire pardon, les poubelles lui permet de s'accorder davantage de plaisir en ces temps difficiles. Elle dit qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver le soir dans les poubelles. Moi, si je parle de mon expérience à moi, oui. À l'époque que je vivais dans ton quartier, qui est Sainte-Cécile, ouais. J'aimais faire les poubelles, mais pas systématiquement, mais me promener dans les ruelles, les soirs de vidange. Ouais. Et puis, on trouve des meubles, on trouve des trucs vraiment intéressants, des lampes, des trucs, des vinyles, on trouve plein, ouais, plein de choses. Entre autres, et parfois des objets rétro, là, pour oui, ceux qui sont amateurs de rétro. La madame, elle vient de s'acheter des belles petites affaires neuves, puis elle met le reste aux poubelles, mais pour quelqu'un des qui trucs aime... en vrai bois, des vraies étagères en vrai bois au lieu d'être en stratifié. Ouais, des fois, ça a juste besoin d'un petit coup de ci, un petit coup de ça, un petit décapage, un coup de pinceau. Un petit coup de sablage, puis ça donne des trucs merveilleux. Ça donne des trucs merveilleux. D'ailleurs, mon système de son, oui, je l'ai trouvé dans les poubelles. Ben, c'est ça, j'ai pas de faire à haut-parleurs acoustiques en bois, ça sonne la tonne de briques. J'écoute des vinyles là-dessus. Je me suis acheté un vinyle de Megadeth, je l'ai payé 40$. Là. C'est la grosse qualité. Dans mon salon, ça sonne comme si le band jouait là, tu sais quoi. Fait que, puis ça m'a rien coûté, donc c'est pas si fou que ça. Il y a rien là. Hein? Et de plus, elle n'a même pas besoin, dit-elle, de se salir les mains. C'est clair. Quand je dis tantôt, je faisais des poubelles, là, je me promenais pas à ouvrir des sacs pleins de couches. Là. C'est, tu prends les trucs qui sont faciles. textiles qui sont là. Des meubles, des... Donc, de plus, c'est ça, elle n'a pas besoin de se salir, puisque la nourriture est encore intacte et la plupart du temps sous emballage et généralement séparée du reste des ordures et placée dans des sacs en plastique à part. Alors que certains dépensent des sommes que la jeune femme trouve exagérées pour une simple salade chez Starbucks, elle se procure exactement le même produit, mais gratuitement derrière le Starbucks. Cette situation est due à une législation sanitaire draconienne. Les enseignes telles que Trader Joe's ou Whole Foods ne peuvent plus vendre un produit comme un sandwich ou une salade si celui-ci a passé une journée sur les étals. Ils sont donc obligés de les jeter et cela même si le produit n'est pas périmé. La plupart du temps, ces produits sont consommables au moins facilement dans les 3 jours. Ashley Field sait que lorsqu'elle trouve ce genre de produit, elle les conserve dans son frigo et dispose encore de quelques temps même pour les manger. Hein? C'est-tu pas assez merveilleux? Ben, on le sait, moi-même, pour avoir déjà travaillé dans une épicerie auparavant, les produits, des fois, qu'on était forcés par la loi de jeter oui. étaient encore tout à fait comestibles. Et nous, les employés, n'avons pas le droit de les demander, de les réclamer au patron, parce que ça encouragerait des employés à gaspiller des produits du magasin pour avoir l'opportunité oui. de les ramener chez eux. Et puis, eux. Ils aiment bien mieux que tu prennes ton argent qu'ils te donnent pour que tu achètes des produits. Entre autres aussi. Donc, moi, je n'ai jamais contrevenu à ces mesures-là, mais j'ai naturellement toujours trouvé ça tellement ridicule, illogique. Ouais, tout à fait. Gaspillage encore. Eh bien oui. Donc, on félicite cette madame-là, dans le fond, qui a le courage... C'est une nouvelle mode à New York et aux États-Unis. On le sait, les États-Unis, ça va plus comme ça allait. Là. Ah, non. Puis d'ailleurs, leur endettement est rendu... Astronomique, mirobolant. On s'en va maintenant. On reste toujours du côté américain. C'est l'armée américaine qui se dote maintenant d'un robot humanoïde. Mm-hmm. Donc, il y a quelque temps, était né Big Dog, un robot quadrupède inspiré de chiens qui est capable de porter de très lourdes charges et de garder son équilibre malgré les pressions ou un sol inégal ou même penché. Sa version améliorée, Alpha Dog, avait suivi. Ces robots de demain ont tous deux été développés par l'entreprise Boston Dynamics et préfigurent ce que l'armée américaine pourrait utiliser demain. Il y a quelques jours, Boston Dynamics a présenté sa dernière avancée. Eh bien oui, un robot humanoïde nommé Petman. Petman. Celui-ci est capable de marcher, de s'accroupir, de tourner la tête, de lever les bras, de faire des pompes et quelques autres étirements, ainsi que de résister à des poussées qui devraient normalement lui faire perdre l'équilibre. Le robot n'a pas été développé pour des champs de bataille, nous dit-on, mais contrairement à Big Dog et Alpha Dog, mais pour rester en salle et transpirer. OK. En effet, Petman a été commandé par l'armée américaine pour tester la manière la plus réaliste possible à la résistance des vêtements militaires de demain et à l'usure et aux produits chimiques. Le robot est donc capable de s'approcher plus près de la physiologie humaine en régulant sa température par lui-même et en transpirant. Au final, le résultat demandé 13 mois de développement et 17 mois de fabrication. Je vais vous mettre les images de Petman sur la page Facebook du Dîner de con. Entre Petman et Petman, il y a tout un monde. Hein? Il faut savoir, Petman est une avancée technologique militaire et un Petoman est quelqu'un qui donne un concert en faisant des pets. Oui, voilà. C'est important de le dire pour les gens qui ne suivaient pas. Moi-même, là, j'étais comme, voyons, il parle-tu d'un Petman ou d'un Petoman? Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 7h à 9h et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados diffusion sur cfou.ca.